Section 17. Chapitre 17. La pluie suspendait au loin ses gazes grises, trouées par les squelettes des peupliers. À perte de vue, la route nationale s'allongeait, pavée d'un côté seulement, entre les ormes parallèles et les talus verdâtres. Blottie sous la capote du cabriolet, Fanny écoutait Augustin qui lui racontait la scène de l'avant-veille. Il n'avait pas voulu la recevoir à Hautfort ce jour-là. Il était allé la chercher à la gare et, par un chemin détourné, il se dirigeait vers le chêne pourpre. « Je comprends que vous ayez beaucoup de chagrin, » dit Fanny, « mais il ne faut pas prendre la chose au tragique. C'était à prévoir que vos amis nous dénonceraient pour mettre leur conscience en repos. Votre mère boudera pendant quelques semaines, puis un beau jour, elle tombera dans vos bras. Vous ne connaissez pas ma mère. C'est une femme intelligente. Elle a été mariée, elle a quelque expérience de la vie, et elle vous aime. Peut-elle vous condamner à une éternelle réprobation parce que vous avez fait ce que font tous les jeunes hommes? Espérait-elle vous garder vierge et martyre? Vous avez une maîtresse, le beau malheur. Vous parlez bien étourdiment, Fanny. Cette maîtresse, je voulais l'épouser. Et maintenant, ma mère refuse de consentir à notre mariage. Ma pauvre Fanny, notre liaison, qui ne choque personne dans votre monde, apparaît comme un scandale abominable à Hautfort. Fanny dit amèrement, « Votre mère et les honnêtes gens de Hautfort devraient comprendre que je ne suis pas une vivante menace pour votre avenir et que cette liaison, ce scandale abominable, sera forcément provisoire. Que voulez-vous dire? Vous ne m'épouserez jamais. Ah, peut-être si vous étiez un autre homme, mais l'amour même fera-t-il de vous un révolté. Comment? Pourriez-vous signifier à votre mère des actes respectueux? Non. Quand bien même l'opposition de Madame de Chanteprie vous paraîtrait injuste, absurde, folle? Quand bien même, mais dans le cas présent, Fanny, l'opposition de ma mère ne me paraît ni injuste, ni absurde, ni folle. Je la déplore, mais je l'approuve. Oh! Ma mère considère le mariage, au point de vue chrétien, comme un sacrement et comme l'association très grave, très sérieuse, de deux âmes qui essaient de se fortifier et de s'améliorer l'une par l'autre. Elle accepterait une bru sans naissance et sans fortune? Elle n'accepterait pas une bru sans honneur. Oui, pour Madame de Chanteprie, pour vos amis, je ne suis plus une honnête femme. Ma mère et mes amis ne sont pas moins sévères pour moi que pour vous. L'homme qui profite de la faiblesse d'une femme n'est pas moins coupable que la femme qui a failli. Votre mère et vos amis sont bien bons de ne pas m'accuser toute seule de détournement de majeur. Rassurez-vous, Augustin. Je ne vous conseillerai jamais aucun acte de rébellion. Je ne veux ni votre nom ni votre fortune, et je n'ai pas fait une spéculation en me donnant à vous. Fanny, votre ironie me blesse. Il n'y a rien de changé entre nous. Je suis ce que j'étais hier. Elle soupira. Je sens de l'inquiétude dans vos sarcasmes, Fanny. Dites toute votre pensée. Vous croyez que je cesserai de vous aimer un jour? Je crois que vous rentrerez dans le devoir, car vous êtes l'homme du devoir, de l'ordre, de la règle. Vous avez des remords déjà. Pour vous, comme pour votre mère, l'amour est un péché. Oui, l'amour est un péché. Le commandement de Dieu est formel. Mais je n'ai pu promettre à ma mère de vous quitter. Je suis près de vous. Je souffre avec vous. Je vous aime. Plus comme autrefois, elle détourna ses yeux pleins de larmes. J'aurais dû prévoir cette transformation de vos sentiments. J'aurais dû résister à vous et à moi-même. Je n'ai pas été prudente, parce que je vous aimais. Les hommes tels que vous ne peuvent pas pardonner à leur maîtresse de s'être donnée trop généreusement. Quand la femme est sincère, quand elle ne se dispute pas, quand elle ne calcule et ne prévoit rien, il pense, elle est facile. Je l'ai eue, un autre pourra l'avoir. Ah, ma pauvre Fanny, nous ne sommes pas en état de nous comprendre. Vous me blessez, et je vous blesse. Parlons d'autre chose. » Elle se taisait, et que pouvait-il dire sans qu'un mot révélât l'éternel antagonisme de leur conscience? Il n'y avait entre eux qu'un seul malentendu et une querelle unique renouvelée sous les moindres prétextes. Non, ils n'étaient pas de la même race. Ils ne parlaient pas le même langage. L'amour qui les rapprochait, aux brèves minutes de l'étreinte, les laissait plus tristes, avec un confus sentiment de honte et de déception. Aux trois tilleuls, tout parut changé, des feuilles pourries s'amassaient dans la cour. Les gonds des volets grinçaient aigrement. Les meubles légers, les toiles fleuries, avaient un aspect fané, frileux, lamentable. Pendant que M. de Chanteprie conduisait son cheval chez Testard, Fanny s'étendit sur la chaise longue. Elle avait froid, elle avait envie de pleurer. Elle pleura en entendant claquer la barrière. Que de fois, dans la claire chambre d'été, elle s'était levée, joyeuse, à ce bruit qui annonçait une visite d'Augustin. Alors, par la fenêtre ouverte, l'air brûlant apportait l'odeur des foins et des roses. Des guêpes ivres dansaient contre la trame lumineuse des rideaux. Dans la petite allée, entre les pelouses, Augustin s'avançait en souriant. Il entrait dans la maison de Fanny et dans son âme. Oui, chaque jour plus avant, il la pénétrait toute, cette âme heureuse de s'ouvrir et de se livrer. Hélas, les amants ne connaîtraient plus l'angoisse délicieuse de ses attentes, de ses approches, cette sensation de soulèvement, d'essor vers une félicité mystérieuse. Augustin rentrait. « Vous avez froid, mon ami. Il y a des fagots dans le bûcher. Voulez-vous que j'allume du feu ?» Il alla chercher des branches mortes et de grosses bûches. La flambée rapide s'élança. Des lueurs et des ombres palpitèrent sur le plafond, sur les murailles, et ses reflets errants, le geste du jeune homme incliné, évoquèrent d'autres souvenirs. Fanny revit la chambre des pavots et le lit baigné dans une clarté pourpre, comme Augustin l'avait aimé ce soir-là. Jamais plus, non, jamais plus. Elle savourait son chagrin. Elle s'enfonçait au cœur la torturante certitude. Et M. de Chanteprie, assis près d'elle, relevait son voile, baisait ses yeux irrités. « Tu pleures ? Tu es fâchée contre moi ?» Elle n'osait répondre, vaincue par la douceur de cette bouche qui lui fermait les paupières. Et lui-même s'enfiévrait, oubliait ses scrupules. N'était plus qu'un homme au bras d'une femme. La toque tomba, le manteau glissa. « Tu m'aimes donc ? Tais-toi ! » Il l'emportait. « Non, rassure-moi seulement, console-moi, j'ai tant de chagrin. »« Tais-toi !» Il parlait en maître, et la femme ne se disputait plus. L'amour lui faisait un cœur d'esclave. Fin de la section 17.